ce matin, comme vous savez, demain, c'est le jour des élections. On va faire de la politique un matin. Je peux vous garantir que même si on fait de la politique ce matin, je ne vous dirai pas, pour les plus vieux, là, vous allez vous souvenir de ça, que le ciel est bleu et que l'enfer est rouge. Ce n'est pas là mon objectif ce matin. Alors, ce matin, on va regarder, on s'en va voter. Nous, au Québec, on vit dans une démocratie. Et on définit une démocratie comme une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Au Québec, c'est ce qu'on est supposé vivre. Il y a d'autres aussi pays qui ont différentes formes de régimes politiques. Il y a des monarchies, il y a une monarchie, vous savez, en Angleterre, ils ont une reine. En Israël, c'était une monarchie, il y avait le roi David, ça a commencé avec Saül. Et il y a une raison pourquoi il y a eu une monarchie, c'est qu'on a rejeté la théocratie. Théocratie vient de Dieu qui gouverne sur le peuple. On a encore aujourd'hui des théocraties, parce qu'une théocratie, en fait, c'est un gouvernement qui est géré par un souverain qui est considéré comme un représentant de Dieu. On peut voir ça, par exemple, avec l'islam dans certains pays comme l'Iran, où est-ce que les imams ont beaucoup de pouvoir, où les ayatollahs, entre autres en Iran, vont diriger la politique. Alors, il y a encore des théocraties. Il y a aussi des pays qui ont un régime totalitaire ou encore un régime autoritaire. On n'embarquera pas là-dedans ce matin parce que ce n'est pas nécessairement l'objectif du message ce matin. Mais quand je vous dis qu'on va faire de la politique, et mon objectif est très simple, nous, les chrétiens, on a tendance à vouloir se séparer de cela. On vit pour le royaume de Dieu, puis on a tendance à oublier qu'on vit encore sur la terre et puis qu'on compose avec des gens qui, autour de nous, sont soit politisés ou encore qui nous gouvernent et puis qui ont besoin, en quelque sorte, de connaître Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, je trouve que c'est important parce qu'on a un devoir en tant que chrétien, c'est d'aller voter. On est dans une démocratie, puis une démocratie dit que nous, on va aller mettre un bulletin de vote. Vous avez sûrement eu comme moi plein d'appels ces dernières semaines. Où est-ce que ça nous disait, la personne se présentait puis disait, est-ce que vous allez voter pour tel parti ou pour tel parti ou tel parti? Faites le 1, le 2, le 3, le 4. Et il y a même des gens qui ont appelé puis ils voulaient savoir pour qui j'allais voter. Et dans ces circonstances-là, moi, je leur dis, vous savez, quand je vais voter, on me fait venir seul et là, on me remet un bulletin de vote. Qu'on plie en 4 ou 5, dépendamment du nombre de candidats qu'il y a. On m'envoie derrière une petite boîte, on me dit de mettre un crochet seulement, de refermer, de le ramener, puis moi de le mettre dans la boîte, puis après cela, bien là, mon vote est fait. C'est top secret. Alors, si ça ne vous fait rien, je vais garder le top secret, puis j'irai voter, je vais aller voter, je vais mettre mon bulletin de vote dans la boîte, et on verra le résultat à la fin. Je n'aime pas dire pour qui je vote. Et personnellement, je ne suis pas arrêté à une couleur. Je ne suis pas bleu, je ne suis pas vert, je ne suis pas rouge. Je suis pas, à chaque élection, je peux changer, dépendamment de qui est candidat et dépendamment de mes convictions. Mais demain, quand on va aller mettre le petit papier dans la boîte, là, il y a plein de gens qui, demain soir, vont écouter et vont avoir hâte d'entendre la personne à Radio-Canada qui va dire « Si la tendance se maintient, nous aurons un gouvernement un tel. J'aimerais qu'on lise quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous aider à comprendre comment ça se passe au juste. Pensez pas faire de politique un matin, vous autres là, hein? On va aller dans Proverbes au chapitre 16. Proverbes, chapitre 16, et on va lire le verset 33. Dans Proverbes au chapitre 16, au verset 33, il dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Alors, on va voter, on jette notre bulletin de vote dans la petite boîte, mais il faut se rappeler qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout ça qui contrôle. Et celui qui contrôle, c'est notre Dieu. Toute décision vient de l'Éternel. Dieu, quand il y a le résultat des votes, il est pas assis devant son écran de TV puis il veut voir si ça va marcher comme il pensait. C'est contrôlé. Nous, on ne comprend pas nécessairement toute cette dynamique-là. Mais ça nous montre que notre Dieu est présent dans notre monde. Et ça, c'est important. C'est important pour moi en tant que chrétien, puis c'est important pour chacun d'entre nous en tant que chrétien, de prendre conscience que Dieu est au contrôle. Dans le monde religieux, souvent, les gens pensent que Dieu est assis dans son ciel, puis il regarde le dernier film qui est sorti, ou il va se promener dans ses jardins, puis ce qui se passe à la terre, là, ça n'a aucun intérêt pour lui. Dieu a un œil sur notre monde jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Dieu s'occupe de notre monde. Et comment ça, cette pensée-là, cette croyance-là, cet enseignement-là de la parole de Dieu devrait nous encourager? Le psaume 115:3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se fait que Dieu ne veut pas? Absolument rien. Dieu fait tout ce qu'il veut, tout le temps. Et ça, c'est rassurant pour moi, de savoir que c'est Dieu qui tient le contrôle, que c'est Dieu qui est au volant, que c'est Dieu qui est le pilote. Il fait tout ce qu'il veut. On a parlé de Mme Hébert, et moi, un des souvenirs que j'ai de Mme Hébert, c'était un verset qu'elle aimait citer. Et quand elle le citait, là, elle était radieuse. Puis probablement que plusieurs d'entre vous l'avaient entendu le citer. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Ça, c'était son assurance à Mme Hébert. « Personne ne les ravira de ma main. » Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Qu'en tant que chrétien, on s'encourage par cette pensée-là qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui tire les ficelles, si je peux dire, et qui contrôle toute chose. Dieu a dit dans Proverbes au chapitre 8 et les versets 15 et 16, parce que on va tout lire, je finirai pas, il va falloir que je revienne la semaine prochaine, puis il y a quelqu'un d'autre qui va être ici la semaine prochaine, alors je vais essayer de tout dire. Mais dans le chapitre 8, les versets 15 et 16, il dit « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. » C'est moi qui contrôle tout ça. C'est par moi qu'il règne. Et ça devrait être un réel encouragement pour nous. Jérémie 27, 4 et 5 nous dit, « Voici ce que vous direz à vos maîtres. » C'est Dieu qui parle. Il dit, « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, et par ma grande puissance et par mon bras étendu, Et je donne la terre à qui cela me plaît. On peut facilement reprendre ce verset-là. Puis ce qui se passe au Canada, mais c'est Dieu qui dirige. Nos gouvernements s'imaginent des fois qu'ils ont un grand contrôle et puis qu'ils peuvent avoir beaucoup de décisions qu'ils ont prises, qui vont changer la face de notre pays. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en arrière, il y avait quelqu'un qui dirigeait. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances et qui renverse et qui établit les rois. » On trouve ça dans Daniel au chapitre 2, les versets 20 et 21. Et dans le contexte, Nebuchadnezzar avait eu une vision, puis il n'y avait pas un chaldéen, pas un magicien, pas un astrologue qui pouvait lui donner la réponse. Et ce que le roi leur demandait était réellement, il n'y avait pas de contrôle là-dessus, et il demandait de ce que, si vous vous souvenez, si vous avez lu le passage, c'est que le roi avait eu une vision, puis le roi demandait, le roi Nebuchadnezzar, « Bien, dites-moi, c'est quoi la vision que j'ai eue, puis donnez-moi-en l'explication, puis il n'y a personne qui pouvait être capable de faire ça. » Et bien entendu, Daniel est allé avec ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, devant la présence de Dieu. Ils ont prié pour que Dieu lui donne la réponse à cette question-là, ou à cette vision-là, ou à cette requête-là du roi Nebuchadnezzar, et Daniel cite ces paroles-là quand Dieu lui révèle le contenu de et la vision et l'interprétation de la vision. Et Daniel reconnaît que c'est Dieu qui gouverne au-dessus de toutes choses. On va tourner dans l'Évangile de Jean au chapitre 9 et on va lire les versets 5 à 11 et on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un bien au-dessus de l'auteur des Proverbes, bien au-dessus du livre des Psaumes, bien au-dessus de Daniel. On ne veut pas mépriser ces gens-là, mais vous vous souvenez que Jésus a parlé de Salomon, mais qui a ici encore plus grand que Salomon. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va dire quelque chose qui devrait nous rassurer dans cette ligne de pensée-là. Alors, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 19, Jésus est en procès, est mis en accusation. Et on va commencer à lire au verset 5. Il nous est dit ici, commençons au verset 5, « Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines. » On sait pourquoi il lui avait mis une couronne, parce que Jésus prétendait être le roi des Juifs, selon ce que le peuple en disait. Et on lui a fait une couronne d'épines. Et il portait aussi le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, en présence de Jésus, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » On a une loi. Selon notre loi, il est condamnable. Il le crucifie. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmentant. Qu'est-ce qui l'a effrayé quand ils ont dit « parce qu'il s'est fait fils de Dieu ». Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu ?» Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ? Puis tu ne me parles pas ? Tu aurais avantage à me parler parce que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide. Puis si je décide que tu vas aller à la croix, tu vas y aller. Puis si je décide que tu n'iras pas à la croix, tu n'y iras pas, puis ce n'est pas les chefs du peuple là, qui vont me faire changer d'idée. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'en as pas de pouvoir sur moi. Ce n'est pas toi qui vas décider si je vais aller à la croix ou si je n'irai pas. Et Jésus avait déjà annoncé d'avance qu'il allait y aller à la croix. Et Pierre, l'apôtre Pierre, quand Jésus a annoncé ça, après que Pierre eut confessé tuer le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a dit à Jésus, en le prenant part, « Écoute, là, tu as été un peu fort, là, mais ça ne t'arrivera pas. » Et Jésus lui a répondu, « Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. » Jésus est venu avec ce mandat-là de mourir sur la croix pour nous. Et ça, ça venait d'en haut. Et Pierre ne pouvait pas changer le cours de cette décision céleste, divine. Et bien entendu, Pilate, qui gouvernait sur la terre d'Israël, en tant que représentant de César, n'avait pas non plus le pouvoir de crucifier Jésus ou de le relâcher. Tu n'aurais, comme on a pu le lire, sur moi, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. On a dans la parole de Dieu des exemples, et j'aurais pu en citer plusieurs, mais j'en ai sorti deux. Deux exemples frappants de ce que nous venons de voir, que Dieu est au ciel et qu'il contrôle toutes choses, que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Et heureusement, ça fonctionne de même. Vous savez, quand j'étais petit, 10 ans, puis ceux qui sont de mon âge ou un peu plus vieux que moi, on avait peur à la Troisième Guerre mondiale. Puis on nous parlait de la Troisième Guerre mondiale, puis ça nous faisait peur, la Troisième Guerre mondiale. On pensait que ça allait venir, la Troisième Guerre mondiale. On parle beaucoup de ce temps-ci, là, de sauver la planète. Mais lorsque j'avais une vingtaine d'années, on avait la même chanson, il fallait sauver la planète. Et c'était comme si c'était les hommes qui allaient contrôler ça, et les jeunes comme moi, ça nous faisait peur. Puis autour de nous, on nous faisait peur avec ça. C'était, on parle des fois d'un évangile de la peur, mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle, donc ce n'est pas un évangile de la peur. C'était, on se met la peur dans le cœur des gens. Et quand on pense, par exemple, à l'écologie, je ne veux pas dire que ça ne dérange pas, on peut polluer tant qu'on voudra, de toute façon, ça ne changera rien. Il faut faire attention à notre planète, c'est le terrain de jeu que Dieu nous a donné, puis il faut en prendre soin. Mais de là à dire qu'on va paniquer, puis qu'on va commencer à penser que si on ne fait pas rien, tout va lâcher. Dieu est encore au contrôle, même là-dedans. Et dans les années 70, quand on parlait de ça, selon ce qu'on nous disait dans ce temps-là, ça serait déjà fini. Et puis, je suis encore ici. Alors, on voit qu'il y a des exemples dans la parole de Dieu, et on va en prendre deux. Il y en a une qui va être longue, et je ne commenterai pas, je vais lire seulement. Mais je vous invite à prendre votre Bible, si vous l'avez. J'ai la version Second 1910. Si vous avez une autre version, ça peut peut-être être plus difficile à suivre. Mais il y a le fameux roi Nebuchadnezzar. Et c'est un passage de l'Écriture, le chapitre 4, je vous invite à y tourner. C'est un passage, c'est un texte qui est tellement riche et qui m'amène à me poser la question, coudonc, Dieu a-tu sauvé Nebuchadnezzar? C'est incroyable ce que vous avez là-dedans. Alors, c'est dans le livre de Daniel, au chapitre 4, je vais lire lentement pour ceux qui n'auraient pas la même version que moi. Lis le chapitre au complet, il y a 38 versets. Et je le dis avant, puis je vais peut-être le redire après, sans commentaire, parce que ça parle par soi. Et c'est Nebuchadnezzar qui dit, « Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Et là, ce n'est pas le même songe que ce qu'on a parlé. C'était la deuxième fois. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Ici, il leur dit son songe. Je leur mon songe, le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis mon songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans la vision de mon esprit que j'avais eue sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parlant ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. » Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » En d'autres mots, parle. Je vais t'écouter. Et Belshazzar répondit, « Monseigneur, que le songe... » Belshazzar, vous avez compris que c'était Daniel. Alors Belshazzar, Daniel, répondit, « Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, et dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, et dont les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que les 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. » Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Daniel l'appelle Monseigneur le roi. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Je reprends au verset 24. Voici l'explication au roi et voici le décret que le Très-Haut accomplira sur Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel, « Apprends, Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » On le chassa du milieu des hommes. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main ou qui lui dise, « Que fais-tu? » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseils et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies juste et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Alors, comme je vous ai dit, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a une phrase qui revient régulièrement, que Dieu domine sur toute la création et qu'il donne la royauté à qui il lui plaît. Ça, c'est le premier exemple. Il y en a un deuxième. Ça va être moins long à lire, ça devrait bien aller. Le deuxième, c'est le roi Cyrus. Le roi Cyrus, c'est extraordinaire ce qui lui est arrivé. Peut-être que vous n'avez pas réalisé, mais nous autres, on est en 2019. L'année prochaine, ça va être 2020 après Jésus-Christ. Dans 10 ans, ça va être 2029 après Jésus-Christ. Plus que les chiffres montent, plus qu'on s'éloigne de la croix. Mais dans ce temps-là, c'était avant la croix. Donc, plus que le chiffre est loin et haut, plus que c'est avant que Christ soit venu, donc plus que c'est tard, mais de l'autre côté. À droite, on va dire, on s'en va en montant les chiffres. Et à gauche, on va à reculons, on monte de l'autre bord. Il y a un prophète qui a prophétisé entre 739 et 685 avant Jésus-Christ. Donc, qui est né, on présume, en 739 avant Jésus-Christ, puis qui est mort en 685 après Jésus-Christ. Le nom de ce prophète était Ésaïe. Il y a un autre prophète qui a vécu de 627 avant Jésus-Christ à 580 après Jésus-Christ. Le nom de ce prophète était Jérémie. OK? Donc, avant Jésus-Christ. Quand on dit 739, là, c'est arrivé avant 685. Quand on dit 627 pour Jérémie, c'était avant 580, parce que c'était avant le Seigneur Jésus, l'avenue du Seigneur Jésus. Et on sait, on va prendre Ésaïe, qu'Ésaïe a fait des prophéties absolument incroyables. On pense uniquement à Ésaïe 53, mais il y en a d'autres. Où est-ce qu'il a annoncé des choses incroyables? Mais ce que je veux vous mentionner ce matin, c'est que autant Ésaïe que Jérémie ont parlé de Cyrus, et Cyrus n'était pas au monde. Et ils l'ont nommé par son nom. On va aller dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. On va être dans 44 et 45, on a juste quelques versets. 44, 28. Dans Ésaïe 44, 28, Ésaïe dit, « Je dis, et c'est Dieu qui parle, OK? C'est Ésaïe qui l'a écrit, mais c'est Dieu qui parle. « Je dis de Cyrus, il est mon berger. » Et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Chapitre 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Au verset 13, on va tourner au verset 13, « C'est moi, Dieu dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai ses voies, il rebâtira ma ville, il libérera mes captifs. » Quand Ésaïe a dit ça, Cyrus n'était pas au monde. C'est autour de 200 ans avant que Cyrus vienne au monde. Et il le nomme par son nom. Si vous tournez avec moi dans Esdras, vous auriez pu voir la même chose dans le livre des Chroniques. Alors, Esdras, c'est tout de suite après le livre des Chroniques. Au chapitre 1, je donnerai la page, mais dans votre Bible, ça n'arrivera probablement pas à la même page. Alors, je vais lire, parce que je vois le temps filer, puis j'ai encore des points donnés. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et c'est pour ça que j'ai cité Jérémie, parce que Jérémie a aussi parlé de Cyrus, même si on ne le voit pas dans ses écrits, c'était reconnu. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent et de l'or et des éphas et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Il accomplit ce que Dieu a annoncé par Ésaïe et il nous dit ici, dans ce texte-ci, que c'était aussi ce que Jérémie avait annoncé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a un des prophètes qui a vécu de 627 à 580 et il y en a un autre qui a vécu de 739 à 685 alors que Cyrus est né en 539 avant Jésus-Christ, a régné, pardon, de 539 avant Jésus-Christ à 530. Donc, autant Jérémie que, bien entendu, Ésaïe n'ont pas connu Cyrus. Ils ne parlaient de Cyrus que par révélation. Y a-t-il un Dieu qui est capable de faire ça? Cherchez les dieux qui sont capables de faire ça. Il n'y en a pas. C'est le seul Dieu, notre Dieu, qui annonce les choses longtemps d'avance. Et il le fait ici. En tant que chrétien, quand on apprend, quand on voit ces choses-là, je vais conclure avec des points. Je vais lire ce coup-ci parce qu'on n'arrivera pas. Sinon, on a un devoir. Et c'est quoi notre devoir? Il nous dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. On n'a pas à s'inquiéter. En tant que chrétien, on doit faire confiance à Dieu. Ça, c'est notre devoir, lui faire confiance. Il nous dit, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. On doit lui faire confiance. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à paniquer. Et on s'en va en élection, puis on n'a pas à commencer à se casser la tête. Hey, si un tel parti rentre, ou si un tel autre parti rentre, ou si un tel monsieur rentre, ou si un tel madame rentre, Dieu est au contrôle. Et ça, ça devrait, nous les chrétiens, nous encourager. Dans l'Épître aux Galates, et là, il y a deux apôtres que j'ai sortis qui nous donnent la même consigne, être soumis. Être soumis à Dieu. Et c'est intéressant de voir que ces deux-là, eh bien, on va se rappeler que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de Paul l'apôtre des incirconcis. Et les deux disent, ayez au milieu des païens une conduite, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur. Je répète, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. Car c'est la volonté de Dieu. Dans Romains 13, l'apôtre des gentils, on a eu l'apôtre des circoncis, on a l'apôtre des gentils. Moi, j'aime mieux gentils que païens, parce que quand j'étais petit, puis que je donnais pour les petits païens, c'était en Afrique, puis c'était en Chine, puis il y avait vraiment besoin de l'Évangile, mais les païens, c'est moi, hein? c'est chacun d'entre nous qui ne sommes pas nés juifs. L'apôtre des païens, ou l'apôtre des gentils, dans Romains au chapitre 13, les versets 1 et 2, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité réside à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il ne faut pas s'opposer à l'autorité que Dieu a établie. C'est la volonté de Dieu qu'on se soumette aux autorités. Est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne pense pas. C'est clair. Mais j'ai parlé de nos devoirs. Notre première responsabilité, c'est de ne pas s'inquiéter quand on parle de choses politiques. Dieu est au contrôle. La deuxième chose, c'est qu'en tant que chrétien, on doit être soumis aux autorités. Et ça, être soumis aux autorités, ce n'est pas juste de dire, ouais, je vais le faire pareil. Hein, je suis soumis à mes parents, là, je vais le faire, ce n'est pas mon affaire, moi, je vais le faire pareil. Non. Être soumis, ça veut dire que j'en parle aussi de façon respectueuse. Que je ne les méprise pas. Que j'en parle pas avec. D'une façon ou avec un ton dégradant. Que les gens, quand ils m'entendent de parler de mon premier ministre ou de mon député ou de mon homme politique, ne voient pas que mes couleurs puis mes sentiments face à cette personne-là seraient des sentiments négatifs. Je ne suis peut-être pas d'accord avec tout ce qu'ils font, mais je dois les respecter. Et je dois me soumettre à leur autorité. C'est Dieu qui est au contrôle et c'est Dieu qui me dit de faire cela. Donc, il me reste une chose à faire. Dans 1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 4, et on va le lire ensemble. Et je vais conclure avec ça. Dans 1 Timothée au chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, et en toute piété et honnêteté. Pourquoi? Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. On veut plaire à Dieu? Voici quelque chose qui lui plaît. On a la responsabilité de prier pour nos hommes politiques. Quand est-ce que j'ai prié pour mes hommes politiques dernièrement? La Bible me demande de prier pour eux autres. Alors, quand tu as envie de critiquer ton homme, ton premier ministre ou ton député, ou nommez-le, là, ton maire, dit, au lieu de critiquer, je vais prier. Je vais prier. Que Dieu nous enseigne à prier pour ces gens-là. Et Dieu va susciter, et on peut prier de ce côté-là, des Joseph, des Daniel, des Esdras, des Néhémie, des Mardochée, des Pierre, des Paul qui influenceront ceux que Dieu met en place pour nous gouverner. C'est notre prière, ça. Seigneur, mets des chrétiens sur leur route. Mets des chrétiens dans leur gouvernement parmi les fonctionnaires. Vous savez que les députés, ils sont là pour 4 ans, puis ils peuvent ne plus se trouver là. Mais les fonctionnaires restent là. Généralement, là, c'est rare qu'un gouvernement va rentrer en place, puis va tout balayer, puis va tout sortir le monde, puis va recommencer à zéro. Les fonctionnaires, généralement, restent là. Que Dieu suscite parmi les fonctionnaires des vrais enfants de Dieu, qui ne rougiront pas de leur foi et qui feront comme Daniel, qui feront comme Esdras, comme Néhémie, comme Mardochée, comme Pierre, comme Paul, et répandront la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, et feront connaître Dieu à ceux qui nous gouvernent. Et les choses vont changer. C'est certain, si Dieu fait cela. Moi, ce n'était pas prévu ce matin le chant que Sylvain a fait. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. J'ai dit, waouh, il a lu dans mes pensées. Et j'en avais un autre que j'avais choisi, qui est tout simple. Est-ce que vous avez réussi à le mettre sur pour le... On va terminer en chantant ce cantique-là, puis que ça soit vrai dans nos vies, puis que ça puisse nous encourager, puis que quand on regarde ce qui va se passer demain, ça soit pour nous un sujet d'encouragement, puis peu importe les résultats, qu'on dise « Merci Seigneur ». Ça, ça va peut-être être plus difficile dans certains cas, mais qu'on soit capable de le dire. Merci Seigneur. Il n'y a pas un homme politique qui est là en place, on l'a vu ce matin, sans que Dieu l'ait voulu. Comptez pas sur moi pour le chanter et vous le partir, mais les musiciens sont là. Moi, je vais prendre ma place. Et après le chant, je vais avoir juste un mot de prière. Bon, okay. Parce que ça a été... Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Est-ce qu'il y aurait deux personnes qui voudraient prier, remercier Dieu pour le fait que c'est un Dieu qui règne encore, que c'est un roi qui règne encore, et pour prier pour ce qui va se passer demain, qui va, le dénouement qu'on va avoir demain, et comment on doit vivre, que Dieu nous aide à vivre là-dedans. Est-ce que deux personnes voudraient...